25e chapitre. Londres mort. Lorsque j'eus quitté l'artilleur, je descendis la colline et, suivant la grande rue, je traversai le pont qui mène à Lambeth. Les végétations tumultueuses de l'herbe rouge le rendaient alors presque impraticable, mais les tiges blanchissaient déjà par endroits, symptômes de la maladie qui se propageait et devait si rapidement détruire cette plante envahissante. Au coin de la rue qui va vers la gare de Putney Bridge, je trouvai un homme étendu à terre. Il était encore vivant, mais tout couvert de poussière noire, sale comme un ramoneur, et de plus ivre à ne plus pouvoir ni se tenir ni parler. Je ne pus tirer de lui que des injures et des menaces, et s'il n'avait pas eu une physionomie aussi brutale, je serais resté avec lui. Au long de la route, à partir du pont, il y avait partout une couche de poussière noire qui, dans Fulham, devenait fort épaisse. Une effrayante tranquillité régnait dans les rues. Dans une boulangerie, je trouvais du pain, suri, dur et moisi, mais encore mangeable. Du côté de Walham Green, la poussière noire avait disparu et je passais devant un groupe de maisons blanches qui brûlaient. Le crépitement des flammes me fut un réel soulagement, mais dans Brampton, les rues redevinrent silencieuses. Bientôt, la poussière noire tapissa de nouveau les rues, recouvrant les cadavres épars. J'en vis une douzaine en tout au long de la grande rue de Fulham. Ils devaient être là depuis plusieurs jours, de sorte que je ne m'attardais pas auprès d'eux. La poussière noire qui les enveloppait adoucissait leurs contours, mais quelques-uns avaient été dérangés par les chiens. Dans tous les endroits que n'avait pas envahi la poussière noire, les boutiques closes, les maisons fermées, les jalousies baissées, l'abandon et le silence faisaient penser à un dimanche dans la cité. En certains lieux, les pillards avaient laissé des traces, mais rarement ailleurs qu'aux boutiques de victuailles et aux tavernes. Une vitrine de bijoutier avait été brisée, mais le voleur avait dû être dérangé, car quelques chaînes d'or et une montre étaient tombées sur le trottoir. Je ne pris pas la peine d'y toucher. Plus loin, une femme déguenillée était affalée sur un seuil. Une de ses mains qui pendaient était toute tailladée. Le sang tachait ses haillons fangeux et une bouteille de champagne brisée avait fait une mare sur le trottoir. Elle paraissait dormir, mais elle était morte. Plus j'avançais vers l'intérieur de Londres, plus profond devenait le silence. Ce n'était pas tellement le silence de la mort que l'attente de choses prochaines et tenues en suspens. À tout instant, les destructeurs qui avaient déjà dévasté les banlieues nord-ouest de la métropole et anéanti Ealing et Kilburn pouvaient fondre sur ces maisons et les transformer en un monceau de ruines fumantes. C'était une cité condamnée et désertée. Dans les rues de South Kensington, je ne rencontrais ni cadavres ni poussière noire. Non loin de là, j'entendis pour la première fois une sorte de hurlement qui, d'abord, parvint d'une façon presque imperceptible à mes oreilles. On eût dit un sanglot alterné sur deux notes. Oula, oula, oula, oula, sans la moindre interruption. Quand je passais devant les rues montant au nord, les deux lamentables notes croissaient de volume. Puis les maisons et les édifices semblaient de nouveau les amortir et les intercepter. Au bas d'Exhibition Road, je les entendis dans toute leur ampleur. Je m'arrêtai, les yeux tournés vers Kensington Gardens, me demandant quelle pouvait bien être cette étrange et lointaine lamentation. On eût pu croire que ce désert immense d'édifices avait trouvé une voie pour exprimer sa désolation et sa solitude. « Oula, oula, oula, oula !» gémissait la voix surhumaine en puissante vague sonore qui parcourait la large rue ensoleillée entre les hauts édifices. Surpris, je tournai à gauche, me dirigeant vers les grilles de fer de Hyde Park. Il me vint l'idée de m'introduire dans le Muséum d'histoire naturelle et de monter jusqu'au sommet des tours, d'où je pourrais voir ce qui se passait dans le parc. Mais je me décidai à ne pas quitter le sol où il était possible de se cacher promptement, et je m'engageai dans Exhibition Road. Toutes les spacieuses maisons qui bordent cette large voie étaient vides et silencieuses, et l'écho de mes pas se heurtait de façade en façade. Au bout de la rue, près de la grille d'entrée du parc, un spectacle inattendu frappa mes regards. Un omnibus renversé et un squelette de cheval absolument décharné. Je m'arrêtai un instant surpris, puis je continuai jusqu'au pont de la Serpentine. La voix devenait de plus en plus forte, bien que je ne pusse voir par-dessus les maisons du côté nord du parc autre chose qu'une brume enfumée. « Oula, oula, oula, oula !» pleurait la voix qui venait, me semblait-il, des environs de Regent's Park. Ce cri navrant agit bientôt sur mon esprit, et la surexcitation qui m'avait soutenu passa. Cette lamentation s'empara de tout mon être, et je me sentis absolument épuisé, les pieds endoloris, et de nouveau maintenant torturé par la faim et la soif. Il devait être plus de midi. Pourquoi irais-je seul dans cette cité morte? Pourquoi vivais-je seul quand tout Londres, enveloppé d'un noir suaire, était prêt à être inhumé? Ma solitude me parut intolérable. Des souvenirs me revinrent d'amis que j'avais oubliés depuis des années. Je pensais au poison que contenaient les boutiques des pharmaciens et aux liqueurs accumulées dans les caves des marchands. Je me rappelais les deux êtres de désespoir qui, autant que je le supposais, partageaient la ville avec moi. J'arrivai dans Oxford Street par Maple Arch. Là, de nouveau, je trouvai la poussière noire et les cadavres épars. De plus, une odeur mauvaise et de sinistre augure montait des soupiraux des caves de certaines maisons. Pendant cette longue course, la chaleur m'avait grandement altéré et, après beaucoup de peine, je réussis à m'introduire dans une taverne où je trouvais à boire et à manger. Lorsque j'eus mangé, je me sentis très las et, pénétrant dans un petit salon derrière la salle commune, je m'étendis sur un sofa de moleskine et m'endormis. Lorsque je m'éveillai, la lugubre lamentation retentissait encore à mes oreilles. La nuit tombait et, muni de quelques biscuits et de fromage, il y avait un garde-viande, mais il ne contenait plus que des verres. Je traversais les places silencieuses, bordées de beaux hôtels, jusqu'à Baker Street, et je débouchais enfin dans Regent's Park. De l'extrémité de Baker Street, je vis, par-dessus les arbres dans la sérénité du couchant, le capuchon d'un géant martien, et de là semblait sortir cette lamentation. Je ne ressentis aucune terreur. Le voir là me paraissait la chose la plus simple du monde, et pendant un moment je l'observais sans qu'il fît le moindre mouvement. Rigide et droit, il hurlait sans que je pusse voir pour quelle cause. J'essayais de combiner un plan d'action. Ce bruit perpétuel, oula, oula, oula, emplissait mon esprit de confusion. Peut-être étais-je trop las pour être vraiment effrayé. À coup sûr, j'éprouvais, plutôt qu'une réelle peur, une grande curiosité de connaître la raison de ce cri monotone. Voulant contourner le parc, j'avançais au long de Park Road, sous l'abri des terrasses, et j'arrivais bientôt en vue du martien stationnaire et hurlant. Tout à coup, j'entendis un cœur d'aboiement furieux et je vis bientôt accourir vers moi un chien qui avait à la gueule un morceau de viande en putréfaction et que poursuivait une bande de roquets affamés. Il fit un brusque écart pour m'éviter, comme s'il eût craint que je fusse aussi un nouveau compétiteur. À mesure que les aboiements se perdaient dans la distance, j'entendis de rechef le long gémissement. À mi-chemin de la gare de Saint John's Wood, je trouvai soudain les restes d'une machine à main. D'abord, je crus qu'une maison s'était écroulée en travers de la route, et ce ne fut qu'en escaladant les ruines que j'aperçus, avec un sursaut, le monstre mécanique, avec ses tentacules rompus, tordus, faussés, gisant au milieu des dégâts qu'il avait faits. L'avant-corps était fracassé, comme si la machine s'était heurtée en aveugle contre la maison et qu'elle eût été écrasée par sa chute. Il me vint alors à l'idée que le mécanisme avait dû échapper au contrôle du martien qui l'habitait. Il y aurait eu quelque danger à grimper sur ces ruines pour l'examiner de près, et le crépuscule était déjà si avancé qu'il me fut difficile même de voir le siège de la machine tout barbouillé de sang et les restes cartilagineux du martien que les chiens avaient abandonnés. Plus surpris que jamais de tous ces spectacles, je continuai mon chemin vers Primrose Hill. Au loin, par une trouée entre les arbres, j'aperçus un second martien, debout et silencieux, dans le parc, près des jardins zoologiques. Un peu au-delà des ruines de la machine à main, je tombai de nouveau au milieu de l'herbe rouge, et le canal n'était qu'une masse spongieuse de végétaux rouges sombres. Soudain, comme je traversais le pont, les lamentables oula oula cessèrent, coupés, supprimés d'un seul geste, pour ainsi dire, et le silence tomba comme un coup de tonnerre. Les hautes maisons autour de moi étaient imprécises et vagues. Les arbres du côté du parc s'obscurcissaient. Partout, l'herbe rouge envahissait les ruines, se tordant et s'enchevêtrant pour me submerger. La nuit, mère de la peur et du mystère, m'enveloppait. Tant que j'avais entendu la voix lamentable, la solitude et la désolation avaient été tolérables. À cause d'elle, Londres avait paru vivre encore, et cette illusion de vie m'avait soutenue. Puis, tout à coup, un changement, le passage de je ne sais quoi, et un silence, une mort qu'on pouvait toucher, et rien autre que cette paix mortelle. Toute la ville semblait me regarder avec des yeux de spectre. Les fenêtres des maisons blanches étaient des orbites vides dans des crânes, et mon imagination m'entourait de mille ennemis silencieux. La terreur, l'horreur de ma témérité s'emparèrent de moi. La rue qu'il me fallait suivre devint affreusement noire, comme un flot de goudron, et j'aperçus au milieu du passage une forme contorsionnée. Je ne pus me résoudre à m'avancer plus loin. Je tournai par la rue de St. John's Wood, et, à toutes jambes, je m'enfuis vers Kilburn, loin de cette intolérable tranquillité. Je me cachai pour échapper à l'obscurité et au silence, jusque bien longtemps après minuit, dans le kiosque d'une station de voiture de Harrow Road. Mais avant l'aube, mon courage me revint, et les étoiles scintillant encore au ciel, je repris le chemin de Regent's Park. Je me perdis dans la confusion des rues, mais j'aperçus bientôt, au bout d'une longue avenue, la pente de Primrose Hill. Au sommet de la colline, se dressant jusqu'aux étoiles qui pâlissaient, était un troisième martien, debout et immobile comme les autres. Une volonté insensée me poussait. Je voulais en finir, dussé-je y rester, et je voulais même m'épargner la peine de me tuer de ma propre main. Je m'avançais insouciant vers le Titan. Comme j'approchais et que l'aube devenait plus claire, je vis une multitude de corbeaux qui s'attroupaient et volaient en cercle autour du capuchon de la machine. À cette vue, mon cœur bondit et je me mis à courir. Je traversai précipitamment un fourré d'herbes rouges qui obstruait St. Edmund's Terrace, barbotait jusqu'à mi-corps dans un torrent qui s'échappait des réservoirs de distribution des eaux, et avant que le soleil ne se fût levé, je débouchai sur les pelouses. Au sommet de la colline, d'énormes tas de terre avaient été remués, formant une sorte de formidable redoute. C'était le dernier et le plus grand des camps qu'établirent les Martiens. de derrière ces retranchements, une mince colonne de fumée montait vers le ciel. Contre l'horizon, un chien avide passa et disparut. La pensée qui m'avait frappée devenait réelle, devenait croyable. Je ne ressentais aucune crainte, mais seulement une folle exultation qui me faisait frissonner, tandis que je gravissais, en courant, la colline vers le monstre immobile. Hors du capuchon pendaient des lambeaux bruns et flasques que les oiseaux carnassiers déchiraient à coups de bec. En un instant, j'eus escaladé le rempart de terre, et debout, sur la crête, je pus voir l'intérieur de la redoute. C'était un vaste espace où gisaient en désordre des mécanismes gigantesques, des monceaux énormes de matériaux et des abris d'une étrange sorte. Puis, épars, çà et là, quelques-uns dans leurs machines de guerre renversées ou dans les machines à main, rigides maintenant, et une douzaine d'autres silencieux, roides et alignés, étaient les Martiens, morts, tués par les bacilles des contagions et des putréfactions, contre lesquelles leur système n'était pas préparé. Tués comme l'était l'herbe rouge, tués après l'échec de tous les moyens humains de défense, par les infimes créatures que la divinité dans sa sagesse a placées sur la terre. Car tel était le résultat, comme j'aurais pu d'ailleurs, ainsi que bien d'autres, le prévoir, si l'épouvante n'avait pas affolé nos esprits. Les germes des maladies ont, depuis le commencement des choses, prélevé leur tribut sur l'humanité, sur nos ancêtres préhistoriques, dès l'apparition de toute vie. Mais en vertu de la sélection naturelle, notre espèce a depuis lors développé sa force de résistance. Nous ne succombons à aucun de ces germes sans une longue lutte, et contre certains autres, ceux par exemple qui amènent la putréfaction des matières mortes, notre carcasse vivante jouit de l'immunité. Mais il n'y a pas dans la planète Mars la moindre bactérie, et dès que nos envahisseurs martiens arrivèrent, aussitôt qu'ils absorbèrent de la nourriture, nos alliés microscopiques se mirent à l'œuvre pour leur ruine. Quand je les avais vus et examinés, ils étaient déjà irrévocablement condamnés, mourant et se corrompant à mesure qu'ils s'agitaient. C'était inévitable. L'homme a payé, au prix de millions et de millions de morts, sa possession héréditaire du globe terrestre. Il lui appartient contre tous les intrus. Et il serait encore à lui, même si les Martiens étaient 10 fois plus puissants. Car l'homme ne vit ni ne meurt en vain. Les Martiens, une 50aine en tout, étaient là, épars, dans l'immense fosse qu'ils avaient creusée, surpris par une mort qui dut leur sembler absolument incompréhensible. Moi-même, alors, je n'en devinais pas la cause. Tout ce que je savais, c'est que ces êtres, qui avaient été vivants et si terribles pour les hommes, étaient morts. Un instant, je m'imaginais que la destruction de Sennachérib s'était reproduite. Dieu s'était repenti et l'ange de la mort les avait frappés pendant la nuit. Je restais là, debout, contemplant le gouffre. Soudain, le soleil levant enflamma le monde de ses rayons étincelants et mon cœur bondit de joie. La fosse était encore obscure. Les formidables engins, d'une puissance et d'une complexité si grande et si surprenante, si peu terrestre par leur forme tortueuse et bizarre, montaient sinistres, étranges et vagues, hors des ténèbres vers la lumière. J'entendais une multitude de chiens qui se battaient autour des cadavres gisant dans l'ombre au fond de la cavité. Sur l'autre bord, plate, vaste et insolite était la grande machine volante qu'ils expérimentaient dans notre atmosphère plus dense, quand la maladie et la mort les avaient arrêtés. Et cette mort ne venait pas trop tôt. Un croassement me fit lever la tête. et mes regards rencontrèrent l'immense machine de guerre qui ne combattrait plus jamais et les lambeaux de chair rougeâtre qui pendaient des sièges des machines renversées sur le sommet de Primrose Hill. Me tournant vers le bas de la pente, j'aperçus, auréolés de vols de corbeaux, les deux autres géants que j'avais vus la veille, et tels encore que la mort les avait surpris. Celui dont j'avais entendu les cris et les appels était mort. Peut-être fut-il le dernier à mourir, et son gémissement s'était continué sans interruption jusqu'à l'épuisement de la force qui activait sa machine. Maintenant, tripodes inoffensifs de métal brillant, ils étincelaient dans la gloire du soleil levant. Tout autour de cette fosse, sauvée comme par miracle d'une éternelle destruction, s'étendait la grande métropole. Ceux qui n'ont vu Londres que voilée de ses sombres brouillards fumeux peuvent difficilement s'imaginer la clarté et la beauté qu'avait son désert silencieux de maisons. Vers l'est, au-dessus des ruines noircies d'Albert Terrace et de la flèche rompue de l'église, le soleil scintillait, éblouissant dans un ciel clair, et ici et là, quelques vitrages dans l'immensité des toits reflétaient ses rayons avec une aveuglante intensité. Il inondait de clarté les quais et les immenses magasins circulaires de la gare de Chalk Farm, les vastes espaces veinés auparavant de rails noirs et brillants, mais rouges maintenant de la rouille rapide de 15 jours de repos, et il y avait sur tout cela quelque chose du mystère de la beauté. Au nord, vers l'horizon bleu, Kilburn et Hampstead s'étendaient avec leur multitude de maisons. À l'ouest, la grande cité était encore dans l'ombre, et vers le sud, au-delà des Martiens, les prés verts de Regent's Park, le Langham Hotel, le dôme de l'Albert Hall, l'Institut impérial, les maisons géantes de Brompton Road se détachaient avec précision dans le soleil levant, tandis que les ruines de Westminster surgissaient d'une légère brume. Plus loin encore s'élevaient les collines bleues du Surrey et les tours du palais de cristal étincelantes comme deux baguettes d'argent. La masse de St. Paul's faisait une tache sombre sur le ciel, et sur le côté ouest du dôme, je vis alors un immense trou béant. En contemplant cette vaste étendue de maisons, de magasins, d'églises, silencieuses et abandonnées, en songeant aux espoirs et aux efforts infinis, aux multitudes innombrables de vies qu'il avait fallu pour édifier ce récif humain, à la soudaine et impitoyable destruction qui avait menacé tout cela, quand je compris nettement que la menace n'avait pas été accomplie, que de nouveau les hommes allaient parcourir ces rues et que cette vaste cité morte qui m'était si chère retrouverait sa vie et sa richesse, je ressentis une émotion telle que je me mis à pleurer. Le supplice avait pris fin. Dès ce jour même, la guérison allait commencer. Tout ce qu'il survivait de gens dans les provinces, sans direction, sans loi, sans vivre, comme des troupeaux sans berger, et ceux qui avaient fui par la mer allaient revenir. La vie de plus en plus puissante et active animerait encore les rues vides et se répandrait dans les squares déserts. Quoi qu'ait pu faire la destruction, la main du destructeur s'était arrêtée. Tous les décombres géants, les squelettes noircis des maisons qui paraissaient si lugubres par-delà les flancs gazonnés et ensoleillés de la colline, retentiraient bientôt du bruit des marteaux et des truelles. À cette idée, j'étendis les mains vers le ciel en un élan de gratitude pour la divinité. Dans un an, pensais-je, dans un an. Puis, avec une force irrésistible, mes pensées revinrent vers moi, vers ma femme, vers l'ancienne existence d'espoir et de tendresse qui avait cessé pour toujours.